Grande traversée, Fernand Braudel, l'historien monde, par Philippe Petit. Par société, j'entends tout ce qui intéresse un historien ou n'importe quelle science humaine dans la reconstitution du passé. Depuis la géographie, depuis l'écologie, comme l'on dira de préférence aujourd'hui, jusqu'à la biologie, tout relève de la société. Nous commençons cette grande traversée consacrée à l'historien Fernand Braudel, né en 1902 et mort en 1985, par un inédit. Il s'agit de la réception de Fernand Braudel à l'Académie française par Maurice Druon, qui fut prononcée le 30 mai 1985. À l'époque, le journal Le Monde avait titré « Consécration d'un hérétique ». Maurice Druon se livre dans cette réception à une description détaillée de la vie et de l'œuvre de Fernand Braudel. Monsieur, avant toute chose, laissez que je me libère d'un reproche à votre endroit. Pourquoi avez-vous mis si longtemps à nous rejoindre? Serait-ce que sur votre route, si fréquemment illuminée de succès et d'honneur, nos appels de phare n'auraient pas été assez insistants? Serait-ce coquetterie de votre part envers une compagnie dont la sagesse tricentenaire lui fait demander à ceux-mêmes qu'elle peut souhaiter le plus de s'imposer les formalités et les aléas d'une candidature? Ne serait-ce pas plutôt que vous auriez dû surmonter quelques craintes d'apparaître céder à un certain conformisme? À nous regarder de l'intérieur, comme vous allez le faire désormais, vous apercevrez bientôt qu'il n'est presque aucun de nous qui ne se soit à un moment de son destin et qui n'est pas toujours la jeunesse, cabré contre son milieu familial ou social, professionnel ou politique, ou qui n'est, par les idées ou l'action, rué dans les brancards de l'opinion commune. Et c'est à cette ruade ou cette cabrade que nous devons souvent le meilleur de nos accomplissements. Au lendemain de votre élection, on put lire dans un journal du soir parisien « Consécration d'un hérétique ». Mais qui de nous n'a pas été de quelque façon peu ou prou hérétique? Que nous soyons ici et dans l'habit que voilà ne signifie pas forcément que nous avons abjuré, mais plutôt que le monde, lentement, autour de nous, s'est converti. À l'origine de tout conformisme, on peut reconnaître un initiateur, donc un non-conformiste par tempérament. Ce sont ses disciples, ses suiveurs, plus ou moins fidèles, qui installent le conformisme, fût-ce à se donner les gants de le faire passer indéfiniment pour un anticonformisme. Il nous plaît d'accueillir en vous un initiateur, un fondateur d'école, un ouvreur d'horizon. J'étais un peu instruit de votre œuvre, forcément, et savais son importance, mais je n'avais jamais eu l'avantage de vous parler en tête à tête avant la visite que vous eûtes l'an dernier la courtoisie d'insister à me faire. Il est de mise que ces entretiens-là durent autour d'une demi-heure. Vous êtes resté 2 heures et je vous aurais volontiers gardé pendant 4. C'est depuis ce jour-là que j'ai mon reproche coincé dans la gorge. Pendant combien d'années m'avez-vous privé des agréments de votre commerce et des richesses de votre savoir, sans parler des épices savoureuses de votre humour? Je reconnais que depuis lors, vous avez mis beaucoup de bonne grâce pour m'aider à rattraper ce temps perdu. Mais l'enthousiasme d'une amitié neuve entraîne à bien des imprudences. Je mesure celle que j'ai commise en me risquant à peindre un Braudel en majesté. Vous reconnaîtrez pour votre part que vous n'êtes pas tout à fait étranger à la désignation du peintre. Dans l'imprudence, nous sommes de compte admis. Me voici donc devant vos travaux et vos œuvres, devant ce massif montagneux, avec ses Alpes et ses Sierras, ses Abruzzes et ses Olympes, d'où émergent, comme au fond des tableaux mythologiques, vos yeux verts et votre front neigeux. Vous voudrez bien, monsieur, me pardonner. Je suis un événementiel et un chronologique. Pour me lancer à votre escalade, il me faut m'aider de la corde de la chronologie et du crampon de l'événement. Observateur aussi détaché que possible, l'historien doit se condamner à une sorte de silence personnel, écrivez-vous dans l'introduction d'un ouvrage à paraître dont vous m'avez fait la faveur de m'entrouvrir les pages. Eh bien, monsieur, voilà venu le jour où il faut sortir du silence. Votre cas est assez extraordinaire. Vous êtes illustre et en même temps, d'une certaine manière, vous êtes inconnu. Votre œuvre a donné lieu à des centaines d'études, d'essais et d'analyses. Votre nom est prononcé presque aussi souvent qu'on formule l'expression de nouvelle histoire, mais l'on ne sait presque rien de vous. On n'accroche pas d'anecdotes à votre personne. On ne cite pas de mots de vous, alors que vous pouvez en avoir de féroces. Aux yeux du public, vous figurez une manière d'abstraction, tandis qu'à vous connaître, on découvre l'être le plus vivant, vivace, charnel, loquace, imprévu, primesautier, passionné, qui se puisse rencontrer. Quel est donc cet homme Brodel que l'œuvre brodélienne dissimule à la fin ? Aux hommes de grand destin, tout arrive à son heure, même ce qui est apparemment intempestif. Plutôt intervenu, votre entrée parmi nous n'eût peut-être pas eu toute sa signification. Si la vocation de l'Académie, telle que son fondateur l'a voulu, est de conférer une certaine gloire, au moins provisoire, à ceux qui bénéficiaient de la notoriété, vous lui permettez de prouver qu'elle peut aussi, en certains cas, ajouter de la célébrité à celui qui déjà possédait la gloire. Si la tradition de l'Académie, telle que 3 siècles et demi l'ont fixée, est d'intégrer l'histoire du pays, toute son histoire, tous ses drames, toutes ses splendeurs, tous les progrès de ses sciences, toutes ses batailles intellectuelles et politiques, à travers les hommes qui y ont pris une part spécialement éminente, et en les réconciliant, alors il est juste que vous y preniez place, vous qui aurez marqué l'histoire de l'histoire, et fait que l'école historique française soit aujourd'hui reconnue partout comme la première. Si la destination de l'Académie, telle que l'époque la lui désigne, est d'être l'une des dernières grandes façades de la France sur le monde, alors nous savons bien l'aide que vous nous apportez pour en ouvrir plus largement les fenêtres. Avant que notre confraternité ne s'installe dans le quotidien, levez les yeux, monsieur, je vous en prie, vers la phrase d'Ézéchiel qui court autour de cette coupole et pensez à votre instituteur qui vous récitait l'histoire de France comme un office divin. Cedebit sub umbraculo eius in medio nationum. Oui, c'est bien ici que vous deviez vous asseoir. Vous tendant les bras avec chaleur et amitié, nous vous souhaitons, Fernand Brodel, la bienvenue. C'était la réception de Fernand Brodel à l'Académie française par Maurice Druon, prononcée le 30 mai 1985. Nous tenons à remercier Madame Lamarque, conservatrice de l'Académie. Marie-Thérèse Ferrand, Franck Lilin, Philippe Petit. Suite de notre matinée consacrée à Fernand Brodel avec un débat sur l'histoire globale. La séance est levée. À l'âge de 21 ans, lorsqu'il achève son mémoire sur la Révolution française à Bar-le-Duc, Fernand Brodel était déjà un styliste talentueux et un apprenti historien qui ferait rougir aujourd'hui nombre de thésards. Mais il était un historien de son temps. Il ne craignait pas de narrer des actions, de peindre des scènes de rue, de rapporter des événements et de suivre des personnages à la manière de Salluste ou Michelet. Dix ans plus tard, il rompt avec cette histoire traditionnelle inspirée des anciens et du romantisme. Il entre dans l'histoire nouvelle comme on entre en religion. Sur le conseil de Lucien Febvre, son père spirituel et futur auteur de Combat pour l'histoire, paru en 1952, il se décide à entamer une thèse sur la Méditerranée. À Simancas en Espagne, puis à Dubrovnik en Dalmatie, le nez sur les archives, il se prend à considérer la Méditerranée comme un personnage historique. Il sonde alors son histoire avec une infinie patience. « J'ai recommencé la Méditerranée je ne sais combien de fois », avouera-t-il plus tard. C'est en effet en construisant ce premier livre que Braudel a trouvé l'idée de l'histoire globale. Il a revisité le passé selon plusieurs lignes temporelles, allant de l'immobilité à la brièveté de l'événement et s'inscrivant dans un large espace, trouvant son unité historique dans un réseau de relations et d'échanges qui le constitue. Fernand Braudel, depuis ce maître livre, paru en 1949, a pratiqué l'histoire à large ouverture et la globalité, chez lui, n'est autre que la prétention d'écrire une histoire totale du monde. Que penser aujourd'hui de cette étrange histoire monumentale d'un genre nouveau? Eh bien, nous voici réunis ce matin pour discuter de l'histoire globale. Et peut-être avant de commencer notre discussion ensemble, Maurice Aymard, Roger Chartier, Steven Kaplan, que vous venez de publier un livre, La France et son pain, qui est un livre d'entretien, mais qui n'est pas sans rapport avec l'histoire globale, puisqu'on retrouve l'histoire du pain dans la civilisation matérielle de Braudel. Et vous avez écrit, évidemment, tous respectivement sur cette question, à la fois en essayant de réfléchir sur la méthode historique elle-même de Fernand Braudel, le rapport entre histoire globale et économie monde, et puis comment finalement la globalité, l'histoire globale que Braudel défendait, comment elle s'est imposée à Fernand Braudel peu à peu. C'est lui-même qui le disait, c'est pas une idée comme ça qui lui est tombée tout d'un coup du ciel, c'est pas un eureka, Maurice Aymard, et c'est peut-être pas aussi ce que les Américains appellent la global history. Alors comment a émergé cette idée de globalité chez Fernand Braudel? Mais si on essaye de suivre son parcours, c'est-à-dire depuis la fin des années 20, de ses premières recherches aux archives, quand il fait son premier séjour à Simancas en 1928, si je ne me trompe pas, bon, il était parti d'une histoire politique, diplomatique et militaire à propos de la Méditerranée, et il découvre l'histoire économique et sociale. Donc, cette histoire globale dont il va parler, ça va d'abord être une histoire totale. Alors, Simancas, un petit mot pour les auditeurs. Simancas, ce sont les archives espagnoles fondées par Philippe II dans un château à côté de Valladolid et où sont gardées les principales archives du royaume d'Espagne jusqu'au milieu du XVIIe siècle, la suite étant pour l'essentiel à Madrid. Donc, Braudel va ajouter à cette première histoire dont il est un peu le produit, une histoire économique et sociale. Ça, c'est, je dirais, les années 30, et on le voit à travers les différents comptes rendus d'ouvrages qu'il fait. Et puis, son apport après-guerre va être l'addition de la civilisation matérielle. Il ne s'est pas fondamentalement intéressé à cette stade de sa vie à une histoire intellectuelle ou culturelle. Il y a des mentions dans la Méditerranée sur l'art, sur la littérature et tout ça. Mais c'est une histoire globale qui va essayer d'affronter, d'étudier la totalité des aspects de la vie humaine et de la vie des sociétés, et en particulier celles qui ont laissé le moins de traces directes dans les archives. C'est-à-dire tous les gestes et les comportements des hommes et des groupes humains, donc ils font naturellement sans les avoir à les justifier. Et le pain de Steven Kaplan en est un très bon exemple. On mange du pain tous les jours, on en parle finalement peu par écrit. On le fait comme on se lave les dents aujourd'hui, ou quand on écoute la radio et tourne le bouton de la télévision. Roger Chartier, la première histoire globale au sens brodélien, c'est quand même la Méditerranée, non? Ça, oui. L'identification de larges espaces qui vont trouver leur unité historique dans le réseau, dans relations d'échanges qui les constituent. Oui, on revient sur ce que disait Maurice Aymard, c'est-à-dire qu'il commence cette recherche avec un sujet qui est Philippe II, l'Espagne et la Méditerranée. Et en 1927, dit-il, Lucien Febvre lui fait remarquer que peut-être ce qui serait le plus important, c'est la Méditerranée, plus que Philippe II, alors que lui-même, Lucien Febvre, avait écrit une thèse Philippe II et la Franche-Comté. Mais il lui suggère d'inverser l'ordre d'importance des facteurs à l'intérieur de cet intitulé. Et à partir de ce moment-là, les recherches dans les archives espagnoles, puis dans les archives italiennes, le conduisent à ce livre, comme vous le savez, écrit plusieurs fois en captivité durant la guerre à partir de sa mémoire, et puis ensuite pour la thèse et réécrit dans les années 60. Et donc à partir de ce moment-là, effectivement, que Rodel construit ce qui l'identifie comme historien, c'est-à-dire peut-être plus même que l'expression d'histoire globale, dont je ne sais pas combien de fois et où il l'a employé, ce qu'il construit, c'est cette architecture des temps, longue durée, conjoncture et événements, et ce qu'il appelle dans un article fameux en 1958, qui appelait à une sorte d'unité des sciences sociales, qui pour lui serait à organiser à partir d'une clé de voûte, l'histoire. Mais l'histoire entendue au sens d'une histoire de la longue durée qui est le fondement des autres temporalités hiérarchisées et superposées, ce qu'il appelait la réduction à l'espace. Et donc à partir de là, ce qui serait chez Brodel un équivalent d'une catégorie d'histoire globale, c'est cette double dimension, c'est-à-dire la hiérarchie des temporalités d'une part et d'autre part une vision large de l'espace. Et je dis vision parce qu'il me semble qu'un des traits très passionnants chez Brodel, c'est le fait d'une manière de penser l'histoire à travers plus encore qu'une écriture qui est magnifique chez lui, mais à travers une vision, comme si les événements historiques, mais dans leur lenteur, répétition, se donnaient à voir. Et il y a un passage dans un très court fragment d'autobiographie, il se méfiait visiblement du genre autobiographique que les historiens ont pratiqué ensuite avec bonheur ou malheur, comme on voudra, où il dit qu'il découvre ce qui est ce sujet-là de la Méditerranée dans toutes ses dimensions à Dubrovnik. Il est dans les archives de l'ancien port de Raguse. Jusqu'alors, disait-il, on a connu beaucoup la terre, les paysans, l'Interland. Et là, je vois, il emploie le mot, première fois les bateaux, les ports, les marchands. Et cette dimension-là, elle me paraît indissociable de la dimension plus conceptuelle, de la longue durée et des espaces, qui est cette manière, par l'écriture, de donner à voir, d'abord à l'historien lui-même et ensuite à ses lecteurs, ces réalités lentes et lourdes de l'histoire. Stephen Kaplan, cette dimension de perception, vous avez été sensible. Mais je suis d'abord frappé, moi, par le temps. C'était pour moi ce qui était le plus envoûtant, le plus troublant, le plus stimulant. Comment articuler un temps qui est à la fois déterminé et contingent, qui est proche et qui est loin. L'homme est enfermé, il est à peine maître de son destin, et en même temps, il a une certaine liberté. C'est vrai qu'entre la première édition de la Méditerranée, où il parle, je crois, une dizaine de fois, il se sert du mot « structure », deuxième édition, je crois que c'est Samuel Kinsey a compté 58 fois. C'est-à-dire, il y avait donc les grands débats, Lévi-Strauss d'un côté, Sartre de l'autre côté, une vraie articulation théorique qui, me semble-t-il, absolument cruciale dans l'évolution de sa pensée. Ce qui m'a séduit et ce qui m'a toujours au fond de cette fascination, c'est cet appétit, cette boulimie. Et puis, quand il a parlé d'histoire globale, il a défini, il a dit, c'est quelque chose qui se dépasse constamment. C'est le dépassement. Et je crois que c'est en ce dépassement qui est plus qu'une virtualité qu'on découvre vraiment le mystère de Rodel. Grande traversée, Fernand Brodel, l'historien monde par Philippe Petit. J'ai été aux prises avec des problèmes de mise en place. J'ai superposé les échelles, ou je les ai utilisées les unes après les autres. Et je pense que j'ai laissé comme cela, entre les images que j'ai données, enfin, des masses de faits, de réalités, de choses importantes qui restent dans la nuit et qui sont forcément, je dirais, une masse historique. Je ne nie pas du tout que ce soit une masse historique. Or, la curiosité que j'ai vis-à-vis de l'histoire profonde et de l'histoire longue, c'est que personne ne fait ce métier de scaphandrier pour aller voir ce qui s'y passe. Séville, la porte de l'Amérique espagnole. Vers Séville, c'est la foule famélique des émigrants pour l'Amérique. Misérables gentilshommes désireux de redorer leur blason. Soldats en quête d'aventure, jeunes gens sans avoir qui veulent bien faire. Plus l'entière écume de l'Espagne, voleurs marqués au fer rouge, bandits, vagabonds espérant trouver là-bas un métier lucratif, débiteurs anxieux d'échapper à leurs créanciers, époux fuyant leurs femmes querelleuses. Pour tous, les Indes sont le rêve, le refuge et protection de tous les desperados d'Espagne, église des révoltés, sauf-conduit des homicides. Ainsi parle Cervantes, au seuil d'une de ses plus charmantes nouvelles, El celoso extremeño, histoire d'un de ces enrichis retour des Indes qui place son argent, achète une maison, organise bourgeoisement sa vie et hélas se marie. Séville est une ville d'une certaine importance au moment des voyages de Colomb. C'est une ville qui a quelques dizaines de milliers d'habitants, donc c'est une ville parmi les plus importantes de la péninsule ibérique, mais c'est pas la plus importante. Hein. Par exemple, Lisbonne est une cité certainement plus dynamique que Séville à la fin du XVe siècle. Mais Bernard Vincent, c'est là le destin. Séville a connu une fortune considérable grâce au monde américain. Cet aspect du monopole est quelque chose de décisif. Bien entendu, nous savons tous aujourd'hui que la contrebande concernant l'or et l'argent a été considérable. Bon, ça part dans tous les sens. Mais quand même, les quantités qui arrivent à Séville sont énormes. Et donc, nous en apercevons les traces très aisément dans la cité qui a beaucoup changé. Donc, au cours du XVIe siècle, elle a cru. D'abord, c'est une ville qui a fini par avoir à peu près 120 000 habitants, autour de 1600-1610. C'est une ville qui est cosmopolite. C'est un laboratoire pour qui veut faire de l'histoire sociale. On trouve tout le monde, les plus riches et les plus pauvres, des gens venus de tous les coins de l'Europe, mais aussi venus du monde nord-africain. Ils sont très présents, les Marocains, mais aussi d'autres, des individus venus d'autres régions de l'Afrique du Nord, ou voire d'ailleurs en Afrique. Il y a des esclaves noirs très nombreux. Il y a même une métaphore, en quelque sorte, qui est indiquée par un voyageur qui dit « c'est un damier ». Il y a donc quasiment autant de noirs que de blancs, ce qui est excessif. Il ne correspond pas à la réalité, mais il faut imaginer la vision que peut avoir un voyageur venu, je ne sais pas, de l'Europe du Nord quand il arrive à Séville. Donc il y a des traits qui lui sautent aux yeux. Sí, efectivamente, la relación de España con el Nuevo Mundo, el río es el gran protagonista. Dès la découverte de l'Amérique, le protagoniste essentiel est le fleuve Guadalquivir, qui est un cas exceptionnel en Espagne, est un fleuve navigable et dans une cité qui a une très forte tradition de commerce. Séville était un lieu d'installation de très nombreux marchands étrangers, français, allemands, flamands, génois. À partir de ce moment, on peut dire que Séville, appuyée sur le fleuve et appuyée sur la tradition mercantile, la présence des communautés marchandes étrangères, devient la capitale de l'Empire américain et on pourrait peut-être l'avancer, la première capitale de la globalisation du monde. Oui, ce que fait remarquer ici Carlos Alberto González Sánchez, c'est un fait intéressant, le fait que Séville est un port tout en étant à l'intérieur des terres, ce qui limitait l'arrivée des plus gros bateaux. Rodel montre comment les bateaux des plus gros tonnages ne peuvent pas atteindre jusqu'à Séville et donc sont à Cadix. Roger Chartier. Mais d'autre part, la navigabilité du Guadalquivir permettait à la ville non seulement de recevoir les bateaux d'un certain tonnage qui venaient de la Carrera de las Indias, qui apportait l'or, puis l'argent, puis les produits américains, mais aussi de recevoir les produits qui venaient de l'arrière-pays andalou, voire de l'Europe du Nord. On peut peut-être rappeler ici que l'entrée de Séville dans le livre de Brodel sur la Méditerranée et le monde méditerranéen et qui articule de manière extrêmement forte cette richesse agricole qui avait donné les fondements de la puissance de Séville avec le fait que la découverte de l'Amérique est un extraordinaire présent pour la ville. Je cite Brodel. Au XVIe siècle, l'Andalousie est encore un splendide pays. Greniers, fruitiers, caves et étables de l'Espagne, objet de l'éloge rituel des ambassadeurs vénitiens dans leurs relazioni. Aux gloires de sa terre, le XVIe siècle a ajouté ce cadeau, l'Amérique. Car l'Amérique a été donnée en 1503 pour presque deux siècles à Séville. L'Amérique, c'est-à-dire la Casa de la Contratación, les flottes qui gagnent les Indes et celles qui rapportent l'argent du Mexique ou du Pérou, les colonies marchandes de l'étranger, si denses, si actives, tout cela a donné à Séville, en exclusivité, à titre de légitime monopole. Pour quelle raison? Tout d'abord, pour que soit contrôlé plus jalousement le trafic enrichissant, point de vue de gouvernant. Ensuite, parce que le chemin d'Amérique est sous la dépendance des Alizés, et Séville à la porte de ces mêmes Alizés. Mais derrière cette singulière fortune, n'y a-t-il pas eu aussi le poids d'une ville privilégiée, admirablement ravitaillée par les barques qui descendent le Guadalquivir et par les fameuses voitures à quatre bœufs. C'est la grande plaine vinicole et l'oléicole qui, en sous-main, anime les trafics sévillants. C'est l'huile, le vin de ces coteaux que les bateaux du Nord, bretons, anglais, zélandais ou hollandais, viennent quérir, et non point seulement le sel de Sanlúcar, incomparable pour la salure des morues et les produits des Indes. C'est-à-dire ici un commerce qui ne doit pas être réduit à sa dimension transatlantique, celle de la Carrera de las Indias, celle de la Casa de Contratación, qui avait le monopole sur les échanges commerciaux avec l'Amérique, celle de la Casa de Moneda, qui était le lieu où l'or puis l'argent du Pérou et du Potosí étaient transformés en monnaie, mais aussi un commerce avec le Nord. Et Séville, non seulement connaît la présence permanente de communautés de marchands étrangers, mais aussi la venue saisonnière de marchands du Nord qui sont tous appelés en espagnol bretones, même s'ils ne sont pas tous bretons, et qui descendent pour acheter et transporter vers le Nord les produits de la terre andalouse, à commencer par les vins et les huiles. Las relaciones con América en Sevilla, pues, si uno visite la ciudad actualmente ve que ha dejado una impronta. La relation avec l'Amérique a été soulignée par les historiens français comme Pierre Villard et comme Fernand Brodel. De ce point de vue, c'est une ville américaine qui commence avec le port où s'embarquaient les bateaux qui recevaient les flottes transportant l'argent des Amériques qui était ensuite transporté à la Casa de la Moneda, au lieu où l'argent était transformé en monnaie. Et cette Casa de la Moneda est juste au commencement de la venue de Gênes et qui renvoyait à une autre présence extrêmement importante à Séville, celle des marchands génois. Effectivement, ici, Carlos Alberto González Sánchez insiste sur une des communautés, mais sans doute la plus puissante, lorsqu'on lit la Méditerranée de Brodel installée à Séville, c'est-à-dire la communauté des Génois, qui contrôlait ce trafic de réexpédition de l'argent et de l'or, puisque bien sûr, pour une part, l'or et l'argent d'Amérique servaient à renflouer les caisses du roi d'Espagne, toujours en déficit avec les guerres européennes, et en particulier à partir du moment de la guerre des Flandres contre les Provinces-Unies révoltées, ou les guerres contre le roi de France. Mais aussi, c'est une réexpédition sur toute l'Europe de cet or et de cet argent qui explique où on fait problème dès le XVIe siècle les raisons de la croissance des prix dans une conjoncture de montée des prix qui a pu être considérée comme une face A de prospérité, mais pas une prospérité pour tout le monde, c'est-à-dire pour ceux qui ont des marchandises à mettre sur le marché, cette croissance des prix est favorable, mais pour ceux qui sont en position de consommateurs, elle peut être une des raisons de ce que l'on va retrouver plus tard à Séville, c'est-à-dire un accroissement considérable de la marginalité du monde des mendiants et des vagabonds et de tout un lumpenprolétariat où va s'enraciner la figure du pícaro. Fernand Braudel disait que cette ouverture vers l'Atlantique, c'était une autre Méditerranée. Vous confirmez ? Bueno, más que otro Mediterráneo, es una, digamos, la ampliación de un espacio de negocio. Pero une autre Méditerranée, oui, mais dans le sens d'un agrandissement, d'une extension d'un espace de commerce qui n'a jamais été fermé, puisque de la Méditerranée à l'Atlantique, il y a cette ouverture, et qu'avec l'ouverture atlantique, il y aura l'ouverture sur le Pacifique. Il faut remonter, bien entendu, au premier voyage de Colomb, puisque Colomb revient en 1493, donc au bout de quelques mois, avec toute une série d'indications, une série de certitudes, et en même temps toute une série d'espérances. Et les souverains qui l'accueillent portent un intérêt évidemment considérable aux différents récits que font Colomb et ses compagnons. Et à partir de là, l'entreprise devient une affaire qui s'inscrit dans la durée, et ça intéressait beaucoup Braudel, parce que si on réfléchit un peu, l'entreprise commence en 1492, bon, elle se termine grosso modo avec la conquête des Philippines, c'est-à-dire on est un siècle plus tard. Et donc Braudel a été extrêmement attentif à ce destin, cette inclusion dans le monde hispanique en général, avec des séquences particulièrement fortes du point de vue politique. Ce sont les années 1520 avec l'implantation en Nouvelle-Espagne, les années 1540 avec l'implantation au Pérou et à partir de là dans toute l'Amérique andine, 1580 c'est Buenos Aires. Bon, et donc les Philippines par ailleurs, puisque les relations entre les Philippines et le Mexique et la Nouvelle-Espagne sont décisives, et que Braudel est extrêmement sensible à cet aspect du destin atlantique de la monarchie, mais qui est en quelque sorte un pas sur le destin planétaire, puisque à partir des Philippines, il y a nombre d'entreprises en direction du monde asiatique. Bon, cela est vrai au plan commercial, mais cela est vrai aussi au plan religieux, avec toutes les missions qui peuvent être mises sur pied depuis le monde philippin en direction de la Chine en particulier. Donc c'est capital pour Braudel, parce que c'est à la fois l'ouverture des espaces et c'est aussi donc un mouvement qui s'inscrit dans une durée longue, mais où il y a des événements évidemment précis, et pour lui donc ce dialogue entre les temps est présent à chaque pas, et c'est au cœur de sa réflexion. Ici, évidemment, c'est l'allusion à cette globalisation, à cet espace-monde qui est créé à partir du moment où, dans l'Amérique espagnole, des voies de passage sont trouvées vers l'ouest. Roger Chartier. C'est-à-dire non seulement par le sud, toujours difficile, le détroit de Magellan, mais aussi par l'isthme de Panama. Et à partir de ce moment-là, une histoire des connexions entre monde méditerranéen, monde atlantique et monde pacifique se met en place, et effectivement là, une première globalisation, mais dont il faut souligner évidemment qu'elle se situe à l'intérieur d'une unité de souveraineté. Puisque ce qui fait que la globalisation première, peut-être d'une manière très originale, c'est le fait qu'elle est liée à la colonisation, la conquête des terres et des corps, et que d'autre part, elle donne une unité qui est l'unité de la souveraineté du roi du roi des Espagnes, puisqu'il est à la fois roi de Castille, d'Aragon, pendant une période 1580-1640, roi de Portugal et roi des Indes. Professeur Carlo Alberto González Sanchez, à part ce fleuve, à part la tour de l'or, quels sont les lieux de Séville qui incarnent l'histoire globale dont parlait Fernand Braudel ? Muchos en Sevilla, pero están aquí en esta zona. La Casa de la Moneda, la nombramos antes. Lo que es el archivo de India actual. Il y en a beaucoup de ces lieux, la Casa de la Moneda, qui est aujourd'hui le siège de l'archive des Indes, la Casa de la Contratación, qui était le lieu de l'arrivée du monopole du commerce, la plus grande administration de la Méditerranée, la cathédrale, qui est un lieu absolument fondamental, ou que l'Alcazar, qui était le siège de la Casa de la Contratación, le consulat, qui était la bourse des marchands. Il y a donc là une monumentalité de la Séville de la Renaissance qui est tout à fait fondamentale et qui est le résultat direct de la richesse du commerce de cette, j'ajoute moi-même, Amérique donnée à Séville. Et dans cette monumentalité, effectivement, on peut peut-être ici, faire allusion à un texte littéraire qui perçoit cette monumentalité. Et c'est la nouvelle exemplaire Rinconete y Cortadillo, qui est une des nouvelles exemplaires de Cervantes, publiée en 1613, et qui est l'histoire de deux jeunes gens en rupture de banc, Rincón y Cortado, qui entrent à Séville pour essayer d'y survivre avec ruse et astuce. Et le moment de l'entrée est ainsi décrit par Cervantes. Après quoi, ils s'en furent visiter la ville et s'émerveillèrent de la grandeur et magnificence de sa cathédrale, ainsi que de l'affluence sur la rivière, car on était au temps du chargement de la flotte, et il y avait là six galères, dont la vue les fit soupirer, et même redouter le jour où leur péché les mènerait à y demeurer toute leur vie. Et donc on voit deux des lieux évoqués par notre collègue historien sévillan, c'est-à-dire à la fois la munificence de la cathédrale, un lieu qui en impose, et d'autre part ce trafic du port au moment où, puisqu'il y a là des trafics saisonniers liés aux alizés, comme disait Braudel, du moment où on est au temps du chargement de la flotte qui va partir avec les marchandises d'Espagne vers les Indes, c'est-à-dire le Mexique et le Pérou. Séville devant la maison des Indes. Bon, au départ, il faudrait partir pour indiquer que cet immeuble, ce grand bâtiment qui maintenant est la place pour les archives des Indes espagnoles, n'a été créé qu'à la fin du XVIe siècle par Philippe II. Après une visite qu'il a faite en 1570 à la ville de Séville, il s'est rendu compte que la ville la plus rayonnante du point de vue marchand dans la monarchie hispanique, ou au moins dans le royaume de Castille, qui était Séville, beaucoup plus grande que la ville de Madrid, par exemple, qui était devenue capitale justement 10 ans avant, était une ville dominée pratiquement par une classe financière, une classe marchande très forte, mais qui n'avait pas un espace pour pouvoir mener à bout tous ces échanges. Manuel Herrero Sanchez. Et l'espace où il le faisait, à côté du fleuve, où déchargeait tous les barges du centre du monopole avec le commerce avec l'Amérique, la place où ces marchands plus ou moins développaient ses affaires, c'était dans les escaliers de la cathédrale, et même dans les jours de pluie, ils envahissaient même le domaine de la cathédrale, avec un accord entre Philippe II, l'archevêque de Séville. Il décide de construire, de bâtir ce nouveau immeuble, un grand immeuble, et il se fait bâtir par l'architecte de l'Escurial, Herrera. Donc c'est un immeuble qui commence à se construire dans un moment de fleurissement très fort des échanges avec l'Amérique, mais qui vraiment ne finira pas de se construire jusqu'à la moitié du 17e siècle. Paradoxalement, quand Séville commence à perdre cette position de force, cette position première dans le contrôle des échanges internationaux. Donc c'est une place qui plus ou moins est payée et financée par les marchands sévilliens du Consulado de Séville, qui étaient normalement des marchands espagnols dans ces cas, même s'ils avaient beaucoup de contacts, de relations, de rapports avec les très grandes communautés étrangères de marchands qui étaient radiquées ici dans la ville de Séville. Parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, que la partie du Lyon, la partie la plus importante de ces échanges était vraiment entre les mains des marchands étrangers, surtout des Génois, dont Brodel connaissait exactement très bien justement le rôle central dans ce processus. Il y avait aussi les Français, chacun d'eux avec son consulat, avec ses maisons, avec ses systèmes corporatifs, ce système, disons vraiment, d'organisation, de protection, de privilèges. Mais tout de même, les marchands espagnols, qui avaient le monopole pour cet échange avec l'Amérique, devaient faire plus ou moins des prêtements, normalement. Manuel Herrero Sanchez, est-ce qu'on peut dire alors que cette Casalonga est un lieu de transaction ? Oui, c'est un lieu de transaction. Ce n'est pas une bourse comme celle de Anvers, avec laquelle la ville de Séville a des très forts rapports. Ce n'est pas une bourse non plus, mais c'est un endroit de rassemblement pour les marchands de la ville. C'est un endroit, un espace d'échange, un espace où se fixent plus ou moins les prix. Mais ce n'est pas simplement l'endroit central vraiment des échanges. C'est ça ce que je voulais souligner, parce qu'il y a les consulats de chacune des nations qui s'organisent en nations génois, français, florentins, vénitiens, qui habitent à Séville, qui, de leur part, ils font leurs transactions dans leurs espaces particuliers. Donc la monarchie n'arrive jamais à vraiment avoir un endroit pour centraliser complètement les affaires ou les échanges. Chaque particulier, chaque nation opère à sa façon. C'est un endroit central, mais même, et c'est évident que la construction pendant plus de 60 ans démontre que ce n'est pas vraiment un endroit où les marchands ne peuvent pas s'en passer. Enfin, c'est un endroit important, sans doute. C'est néanmoins peut-être cette convergence de réseaux qui produit l'indice des prix. Oui, oui, évidemment, c'est ça, une des questions essentielles, une des questions fondamentales, parce que ce que disait très bien Fernand Braudel, et il faisait une critique très dure, par exemple, vis-à-vis des travaux qu'avait fait Chaunu sur Séville et l'Atlantique, c'était précisément le rôle pas important que, selon Chaunu, jouait la ville de Séville, ce processus d'augmentation de transactions. Braudel soulignait l'importance de Séville dans la convergence ou l'apparition du phénomène de l'économie monde en tant qu'un endroit, un axe de coïncidence entre divers réseaux internationaux. C'est ça la grande apportation de Séville à la formation du système de l'économie monde, parce que c'est à travers Séville que la Méditerranée va entrer d'une façon très forte dans le monde atlantique. Et ça, c'est vraiment un des éléments essentiels que Braudel a très bien su voir et analyser. Parce que c'est ici, grâce surtout au rôle joué par les Génois, mais par d'autres marchands étrangers, que se réunissent divers axes des réseaux internationaux. C'est par exemple d'ici où on commence à faire un commerce très actif avec les Flandres, avec l'Angleterre, mais aussi d'ici on fait un commerce très actif avec les îles de l'Afrique. Mais d'ici, normalement, et c'est normal, que Séville finisse par se convertir dans ce centre pour le monopole de la monarchie. C'est à cause de ça que cette maison, cette espèce de ville marchande par excellence, qui a été très bien analysée par Fernand Braudel dans ses écrits. Alors en face cette maison, en face cette casa, il y a les Archives Générales des Indes. J'imagine que c'est en consultant ces archives que l'on découvre cette entrée vers l'Atlantique. Hein, évidemment. Ces archives sont en plus très intéressantes, la fondation de ces archives, parce qu'ils ont été dégagés des Archives Générales de Simancas. Les Archives Générales de Simancas à Valladolid, Braudel a fait des travaux, il connaît très bien. Ces archives de Simancas réunissaient tous les documents de la monarchie, produits par la monarchie. C'était le grand centre des archives de la bureaucratie des Habsbourg espagnols. Mais à la fin du XVIIIe siècle, les Bourbons, Charles III, en essayant plus ou moins de répondre aux attaques de la légende noire contre l'agression espagnole dans les Indes, il a décidé de séparer les fonds américains et de les apporter ici, à Séville. Par cette période, la Casa Lonja ne fonctionnait plus comme telle. Elle était pratiquement abandonnée. Et c'est Charles III qui a décidé de reconstruire celle-ci et de convertir ce dépôt, cet ancien marché, cette ancienne bourse, en une espèce de centre de la mémoire de l'histoire des Indes espagnoles. Maintenant, c'est vrai que les documents ne sont plus... Bon, ils sont ici, mais la salle pour les chercheurs est à côté. C'est dans un petit espace où était un autre des noyaux centraux du commerce sévillien, c'était la Casa de Contratación de Séville. La Casa de Contratación qui a été créée en 1503, et c'était l'endroit pour gérer le monopole et pour avoir une justice privative pour toutes les affaires qui avaient à voir avec l'Amérique. Maintenant, les chercheurs font leurs études ou la recherche là-bas. Mais ici, la Casa Lonja, l'ancien archive des Indes, qui encore est le dépôt des archives, normalement s'utilise pour, comme salle d'exposition. À Simancas, on a trace de toutes les demandes de chercheurs depuis les années 1840. Une collection absolument extraordinaire qui permet de voir exactement comment chacun a conçu son travail. Et dans le cas de Fernand Braudel, c'est particulièrement passionnant. C'est un très gros dossier. Bernard Vincent. Parce que Fernand Braudel n'a pas tellement consulté directement les archives de Simancas. Il l'a fait de façon intense en 1928 et 1929. Il a passé les deux étés successifs. Et il a vu à ce moment-là beaucoup de choses. Mais ensuite, il n'est pas revenu avant 1951. Et il revient une dernière fois en 1959. Donc il y a quatre séjours en tout. Mais dans l'intervalle entre 1929 et 1951, il écrit beaucoup. Il fait beaucoup de demandes. Et donc nous pouvons lire toute la correspondance qu'il a échangée avec les directeurs successifs. Il y a là beaucoup d'indications qui montrent parfaitement comment il travaille. C'est un homme d'archives. On le voit bien par cet aspect, ça n'apparaît pas tellement dans l'œuvre. Il a vu énormément de papiers, des papiers concernant essentiellement les sections qui donnent des informations sur l'histoire politique. Et on voit comment, très bien, comment il passe d'une préoccupation pour une histoire politique classique qui correspondait bien à la manière dont on faisait l'histoire dans les années 20 ou au début des années 30, comment il passe ensuite assez vite à des préoccupations où l'histoire économique est au centre. Et il a accumulé là énormément. Il a accumulé des documents qu'il a lui-même utilisés et des documents qu'il a fournis à d'autres chercheurs. Il y a toute une série d'historiens, espagnols, italiens en particulier, qui ont bénéficié, en somme, de cette manne qu'il a accumulée sous forme de microfilm. C'est un homme du microfilm. C'est l'une de ses qualités, c'est que, du point de vue de la technique, en quelque sorte, il est très en avance sur son temps. Il y a une préoccupation de l'accumulation de ces documents, déjà dans les années 30. Il en vient même à fournir des éléments techniques aux archives de Simancas. Enfin, il y a une correspondance qui indique qu'il va offrir des supports. Et donc, il se préoccupe beaucoup de cet aspect de conservation qui est vraiment essentiel. Aussi, une chose qui intéressait beaucoup, par exemple, Fernand Braudel, en tant qu'historien sériel, en tant qu'historien des grandes structures, des grands processus de l'histoire totale, ce n'était pas simplement la procédance vraiment très variée des documents, pratiquement de tous les territoires d'une monarchie mondiale, comme était la monarchie espagnole, mais aussi la qualité systématique de ces documents. Parce que pour lui, un élément fondamental, il n'aimait pas l'histoire événement, il n'aimait pas l'histoire événementielle, comme on dit, il préférait l'histoire sérielle, l'histoire des grands processus. Et ici, vraiment, on conserve des séries très strictes et très bien tenues. C'est vraiment le travail qu'a fait, par exemple, Chaunu avec son travail de Séville et l'Atlantique. Et que, de cette façon, on a dit que peut-être Braudel pouvait critiquer quelques aspects de Chaunu, mais il ne critiquait pas du tout, par exemple, l'utilisation de l'histoire sérielle. Et c'est peut-être une chose que le propre Braudel, à la fin de sa vie, il a changé un peu. Il a commencé à se rendre compte de l'importance, vraiment, de certains événements, de certains faits dans le changement, dans le processus historique. Mais tout de même, cette espèce de critique que maintenant la nouvelle histoire politique fait ou pose vis-à-vis du travaux de Fernand Braudel, c'est cette espèce de privilège qu'il fait, une espèce de hiérarchisation entre les différentes sources historiques. Maintenant, l'histoire alignant toutes les sources sont valables. C'est pas simplement qu'il y a une histoire, une source qui parle de plus grand nombre de personnes et qui est plus sérielle, qui est plus importante, par exemple, qu'une correspondance entre un gouvernement gouverneur et le roi d'Espagne. C'est pas ça. Il y a différents moments d'utiliser ça. C'est exactement ça que le propre Brodel, j'insiste, a commencé à voir, à se percevoir à la fin de sa vie, mais que maintenant, vraiment, on pose des points de vue un peu différents. Pour accéder à la source espagnole, Gênes disposait aussi de l'exportation de ses produits manufacturés. Plus que Venise, en effet, elle a participé à la montée industrielle européenne des XVIIe et XVIIIe siècles et elle a cherché à adapter sa production aux demandes des marchés de Cadix et de Lisbonne pour atteindre l'or de celui-ci et l'argent de celui-là. En 1786 encore, l'Espagne importe beaucoup de tissus génois et il y a même des fabriques particulières pour le goût des Espagnols, par exemple de grandes pièces de soie parsemées de petites fleurs et brodées à une de leurs extrémités de grandes fleurs à demi-bosses très serrées. Ces étoffes-là sont destinées à des robes de cérémonie et il y en a de magnifiques et de très chères. Également, une grande partie de la production des papeteries de Voltri près de Gênes est destinée pour les Indes où l'on s'en sert comme de tabac à fumer. Ainsi Gênes se défend-elle attentivement contre la concurrence de Milan, de Vicence, de Nîmes, de Marseille ou de la Catalogne. La politique des marchands génois paraît donc variable, discontinue mais souple, capable de s'adapter comme toute politique capitaliste qui se respecte. Au XVe siècle, s'installer sur le chemin de l'or entre Afrique du Nord et Sicile. Au XVIe siècle, se saisir par l'Espagne d'une partie du métal blanc des mines d'Amérique. Au XVIIe siècle, grossir à nouveau l'exploitation marchande au prix d'exportations manufacturières. Et à toutes les époques, pratiquer la banque et la finance selon les circonstances du moment. Les marchands génois se déplaçaient beaucoup. Ils prêtaient parfois leur argent aussi. Est-ce que les marchands sévillans se déplaçaient autant ? Non, parce que la communauté en plus des marchands sévillans n'était pas une communauté très forte. C'est ça ce que je voulais remarquer. Normalement, le rôle ici à Séville, c'était le rôle de prête-nom, c'était le rôle qui n'était pas un rôle essentiellement marchand ni financier. Il y avait évidemment des familles espagnoles, mais surtout les grands marchands ici à Séville étaient des marchands étrangers. Avant tout, les Génois, mais d'une façon très très forte. Les Génois, ils ont arrivé à avoir un contrôle pratiquement monopolisant des finances. Les grandes familles des Espinola, les grandes familles des Los Lomelines, des Grillo, les grandes familles génoises qui maintenaient leur maison centrale à Gênes, mais qui avaient des comptoirs pratiquement dans tout le monde, pas simplement en Europe, aussi dans d'autres endroits, même en Amérique, où théoriquement les étrangers ne pouvaient pas y arriver. Il y avait une communauté génoise très forte. Ici à Séville, c'était les Génois, les Français, les Allemands, les Anglais, qui vraiment faisaient ce rôle. Les Flamands, il ne faut pas les oublier non plus, les Basques, qui faisaient ce rôle. Et ce rôle de grands marchands. Et en plus, ils étaient capables de s'insérer dans les communautés locales d'une façon très très importante à travers l'achat des charges, à travers des mariages avec les Espagnols locaux pour pouvoir rester, pour pouvoir se conserver. Mais une chose que peut-être c'est intéressant de faire noter et qui a beaucoup à voir avec une autre des théories très critiquées de Brodel, c'est la théorie de la trahison de la bourgeoisie, très bien connue selon Brodel, vraiment tous les marchands normalement, de qu'ils arrivent dans l'ancien régime à un certain moment, ils décident de investir simplement dans l'investissement de luxe, mener une vie nobiliaire. Ici, à Gênes, on peut voir exactement ça. Il y a beaucoup de Génois qui vont se marier avec des membres de l'élite ou de la noblesse castillane, qui vont faire des très bons mariages, qui vont vraiment se... faire une promotion très forte à l'intérieur de la société, mais il ne faut pas oublier, c'est une chose que Brodel n'a pas très bien compris et que maintenant on est en train de comprendre d'une façon assez claire, c'est que la rationalité économique que l'on considère devrait avoir un capitaliste pour le XVIe siècle ne doit pas du tout être la même que la rationalité économique d'un capitaliste du XXe ou du XXe siècle. Parce que pour cette période, un grand investissement, c'était justement de mener à bout cette politique vraiment nobiliaire. Le pouvoir de l'Église à Séville est tellement fort. Je parlais justement de la question de la trahison de la bourgeoisie vis-à-vis de l'analyse du comportement des communautés génoises à Séville, qui se sont insérées avec une grande facilité à l'intérieur de la noblesse castillane et qui vraiment ont adopté beaucoup des comportements de cette noblesse castillane et ont acheté des titulos, et ont acheté des rudos, de la dette castillane. Ils ont fait le parcours normal de ces groupes. En plus, ils avaient un avantage vis-à-vis d'autres groupes marchands. Ils étaient catholiques, sans doute. C'était pas comme les Portugais, Julio Converti, qui avaient toujours la doute d'être, pour une société comme la castillane, ou la limpieza de sangre, c'est-à-dire le sang. Son propre était un élément essentiel. Les Génois, ils étaient évidemment sans doute des catholiques. Ils n'étaient pas comme les Anglais ou comme les Français, où il y avait aussi des grands problèmes sur leur possible origine protestante. Alors tout cet avantage et surtout le réseau international qu'ils avaient et qui pouvaient prêter justement tout de l'argent à la monarchie pour sa politique impériale ont fait des Génois vraiment le moteur capitaliste du système impérial espagnol. Et de Séville, son grand endroit, avec Anvers aussi, au sein de la monarchie espagnole. Tout de même, il ne faut pas oublier une question que peut-être Brodel n'a pas su analyser avec profondeur, c'est le fait que ces Génois, ils ont vraiment adopté beaucoup de comportements propres de la noblesse castillane, mais en même temps, ils ont fait une transformation très forte, ils ont fait subir une transformation très forte à la propre élite castillane. D'une façon incroyable, du point de vue esthétique, par exemple, il ne faut que se promener dans les palais dans la ville de Séville, la Casa de Pilatos, la Casa de Vicente Mañara, la Casa de Lebrija, pour se rendre compte que tout le goût italien est arrivé de la main de ces marchands génois. Mais d'autres formes de comportement sur la gestion, par exemple, des domaines aristocratiques, il était beaucoup plus capable vraiment d'introduire de nouvelles formes. D'accord ? Théoriquement, la noblesse ne pouvait pas être dans le marché, ne pouvait pas faire des travaux mécaniques, mais vraiment la noblesse, comme la Casa de Medina Sidonia, la Casa de Medina Celi, avait des grandes affaires dans les marchés internationaux et ils avaient des grandes alliances avec ces Génois. Ils étaient très intéressés à maintenir des rapports ou des relations de mariage avec ces familles génoises. Donc c'était un échange de deux directions. Dans la géographie que nous pratiquons, mes collègues et moi, nous avons tendance à écrire le mot « monde » avec un M majuscule. Jacques Lévy. Parce que nous considérons que c'est un lieu, un territoire, c'est un nom propre, en fait. Ça désigne l'espace humain sur la planète Terre. Donc c'est assez logique que, comme Paris ou France, ça ait une majuscule, il n'y en a qu'un de cette espèce. En même temps, nous devons beaucoup à Brodel d'avoir associé un terme à « monde ». Nous utilisons le mot « société-monde », donc avec un M majuscule, mais ça serait injuste de ne pas se référer au terme d'économie-monde, et je dirais aussi au couple « empire-monde »,« économie-monde », qui vient de Brodel, qui a aussi été développé par Emmanuel Wallerstein, parce que là, on a quelque chose de très intéressant pour la démarche de la géographie, c'est-à-dire l'association entre un cadre spatial et une thématique très forte qui peut être l'économie, ou qui peut être la géopolitique, ou qui peut être la société dans son ensemble. Braudel, lui, utilisait la minuscule, et de notre point de vue, il avait raison, puisque c'était des mondes. Il traitait la question de savoir jusqu'à quel point, à partir de Gênes ou d'une autre ville européenne, on pouvait embrasser une certaine mondialité, mais qui avait quand même ses limites. Donc c'était une cartographie thématique, pourrait-on dire. C'était pas une cartographie globale. Et donc c'était tout à fait logique. Aujourd'hui, on peut continuer, bien sûr, par exemple, à voir le monde à partir d'un point de vue qui peut être géographique, le monde vu par la Chine, mais qui peut être aussi le monde vu par la finance. Ça a toujours un sens. Simplement, nous essayons d'ajouter une approche synthétique. Si on considère la définition qu'on peut donner en général d'une société, jusqu'à quel point peut-on dire que le monde, dans son ensemble, est une société dans son ensemble? Il faut tenir compte que pour le XVIe siècle, c'est-à-dire dans le moment où Séville est vraiment le centre de cette économie, un des centres, parce que ce n'est pas un système central, c'est un système polynucléaire, comme très bien l'a vu aussi Fernand Braudel, où il y avait Venise, où il y avait Gênes, où il y avait Anvers, il y avait Séville, plus ou moins jusqu'à l'arrivée de Amsterdam, qui vraiment faisait ce rôle vraiment de polynucléaire, du centre de cette économie monde en croissance, en apparition. Vraiment, le modèle social prédominant, c'est un système aristocratique. Nobiliaire. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas une question de trahison, de ne pas exactement se comporter d'une façon alternative à ce système. C'est la normale façon d'évolution ou de progression sociale, c'était justement d'imiter ou de s'insérer dans le lien. Alors tout cela faisait que la rationalité économique de cette période était une rationalité économique qui dépendait beaucoup de cet objectif central de l'élite dirigeante. Il ne faut pas non plus oublier un élément important. Je parlais que Séville, ou les marchands génois, par exemple, jouaient ce rôle de capitaliste du système impérial espagnol. Ce système impérial espagnol, en même temps, avait à Gênes, dans cette république qui n'était pas très forte, qui n'avait pas une autonomie politique pour pouvoir imposer son modèle, il avait une espèce d'allié fondamental. Mais cet allié avait besoin de la protection militaire d'une monarchie aristocratique et seigneuriale comme était la monarchie espagnole. Donc, cette dépendance politique de la république de Gênes vis-à-vis de la monarchie espagnole, qui la protégeait des possibles attaques des Français ou d'autres ennemis, faisait vraiment que l'autonomie du capitaliste était encore vraiment hypothéqué. C'est pas la même chose qui va, par exemple, se développer à partir de la fin du XVIe siècle, du début du XVIIe, avec l'apparition, par exemple, des Hollandais. Les Hollandais vont pouvoir s'autonomiser du pouvoir politique de la monarchie espagnole. Ils vont être capables de gérer, de construire un empire aussi de dimension globale à travers un système nouveau, le système de la compagnie, des compagnies de commerce. C'est un système aussi monopoliste, il faut pas l'oublier non plus. Mais donc, ils étaient vraiment capables de s'autonomiser du politique espagnol et même de s'imposer dans le terrain de la guerre, justement grâce à leurs alliances avec des ennemis de la monarchie, surtout la France et les princes protestants allemands ou les Anglais aussi. Donc cette autonomie des Hollandais a permis l'apparition d'un système vraiment différent dans quelques aspects, un système plus capitaliste avec Amsterdam comme noyau central du commerce. Mais tout de même, ce système encore, cette seconde mondialisation, on pourrait l'appeler la mondialisation d'Amsterdam, une mondialisation encore assez archaïque. C'est une mondialisation basée sur le système de privilèges des villes. Ce n'est pas une mondialisation nationale qui va commencer à arriver à la fin du XVIIe siècle avec la France et l'Angleterre, avec le nouveau modèle de système d'organisation politique français et anglais, qui même s'y était différents dans leurs structures constitutionnelles, plus parlementaires, plus absolutistes dans le cas de la France. Vraiment, ils avaient ensemble une espèce de grande capitale, c'était Londres, Paris, une espèce de territoire plus rationalisé. Il n'y avait pas cette espèce d'autonomie très forte qui existait encore, par exemple, en Hollande, entre les différentes villes, entre le maintien des différents privilèges. Donc, le système constitutionnel, par exemple, des Hollandais, qui avait été capable de s'indépendiser du pouvoir politique espagnol, en même temps, curieusement, était très semblable au système politique de la monarchie hispanique, qui était un système de monarchie composée, de monarchie où les territoires s'incorporaient sans perdre leurs privilèges, leur langue, leur façon d'actuer. Le système des Habsbourg espagnols, c'était un système très respectueux, par exemple, avec les pouvoirs locaux, avec les langues catalanes, portugaises, avec les constitutions, les systèmes constitutionnels de chacun des territoires. La troisième phase, on pourrait dire, de ce processus de globalisation, de ce processus de différentes globalisations, c'est à la fin du XVIIe siècle, quand l'Angleterre et la France sont capables finalement de s'autonomiser du pouvoir, par exemple, des républiques marchandes, genre Gênes, genre Hollande. Par exemple, les Hollandais ont substitué les Génois à la fin, moitié du XVIIe siècle, comme alliés capitalistes de la monarchie espagnole, après que la monarchie espagnole a accepté leur indépendance politique. Mais cela montrait vraiment cette dépendance du système constitutionnel de la monarchie hispanique vis-à-vis des marchands étrangers. Tandis que la France, avec la politique de Colbert, ou l'Angleterre, avec la politique de Cromwell et tous les actes de navigation, on voit se construire, se bâtir un système beaucoup plus national, autonomisé de la dépendance, par exemple, vis-à-vis des marchands étrangers, des grandes villes marchandes, genre brodélien, type Venise, Amsterdam, Anvers, Gênes, desquelles la monarchie espagnole, on avait fait vraiment la base de son propre pouvoir. Et ça va être une différence essentielle, puisque à partir de ce moment, vraiment, ils vont montrer une indépendance qu'exprime par exemple Louis XIV à travers l'invasion de la Hollande en 1672, le bombardement de Gênes en 1684. C'est vraiment l'autonomie nationale vis-à-vis des marchands internationaux. Ça maintenant permet l'apparition, disons, d'une élite économique nationale autonome, par exemple, de ces communautés étrangères si fortes dont Séville était un des exemples le plus évident. Pour le XVIe siècle. Cette élite économique nationale, ça nous montre l'étroit lien qui peut exister entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Mais diriez-vous que nous allons aujourd'hui vers une plus forte autonomisation du pouvoir économique ? Oui, c'est exactement ça. C'est un processus vraiment de la fin de ce modèle national de globalisation qui était le modèle dont la France, l'Angleterre encore, ont maintenu leur base, leur façon de s'organiser. Vraiment maintenant, aussi avec la propre Union européenne, on peut observer une espèce de renaissance de ces modèles plus fragmentaires, de ces modèles où le politique et l'économique étaient vraiment beaucoup plus séparés, où même l'économique commence vraiment à imposer sa norme vis-à-vis de l'autonomie du politique d'une façon très grande et très sanglante. Ici en Espagne, on est en train de le vivre d'une façon très forte. Le gouvernement n'a pas du tout l'autonomie de pouvoir appliquer une politique qu'il veut. Il est absolument condamné, est absolument obligé à appliquer la politique qui vient de Bruxelles, qui n'est pas la politique qui vient de Bruxelles, qui est plutôt la politique qui vient de finances. Donc ça serait peut-être retourner au modèle génois, parce qu'à la fin, c'était les génois, les marchands, les financiers génois, les hommes d'affaires génois qui dictaient la politique internationale des Habsbourg de Madrid d'une façon absolue. C'est pas simplement qu'ils progressaient à l'intérieur du système politique de la monarchie, mais ils étaient aussi qui décidaient par leurs prêts, par leur suspension des prêts, de maintenir ce système. C'était donc un système qui dépendait complètement des finances internationales, comme les propres arbitristes, c'était les hommes politiques, économiques, espagnols du XVIe, XVIIe siècle, dénonçaient constamment. De toute façon, on dépend complètement des décisions d'un pouvoir faible comme les Génois. On devrait être fort avec eux. Mais vraiment, la dépendance de la monarchie espagnole vis-à-vis du capital international était fondamentale. Et cela aussi me permet, en revenant à nouveau à l'histoire, pas simplement vraiment de faire une analyse du présent, à comprendre une autre question très intéressante qu'il faut tenir en compte, surtout maintenant quand on a une historiographie qui, à partir des études de Norbert Elias, à partir des études de l'importance de la cour pour comprendre l'organisation politique et les transformations des États au XVIe, XVIIe siècle, on fait mis tellement l'accent dans cette espèce de système courtisan, comme disant qu'était vraiment le système politique essentiel, qui par exemple, pour parler de la monarchie espagnole, ils ont dit que c'était une monarchie de cour, c'était une monarchie où les modèles politiques circulaient simplement dans les villes capitales des différentes cours que composait cette monarchie, donc Bruxelles, Madrid, Naples, Palerme, sais pas, Mexique. Mais il ne faut pas oublier, comme très bien l'avait vu Fernand Braudel ici, il faut récupérer très bien Fernand Braudel, qu'à côté de Madrid, il y avait Séville, et qu'à côté de Milan, il y avait Gênes, même si Gênes, il était à l'extérieur, et qu'à côté de Bruxelles, il y avait Anvers, et que cette monarchie n'était jamais pu s'organiser comme telle, ni fonctionner d'une façon tellement opérative, être la première puissance de la période, si ce n'était pas à côté de cette espèce de parallélisme entre le monde économique et le monde courtisan. Il ne faut pas oublier ça. Et Braudel, il faut le lire. C'est un peu le dialogue entre le hasard et la fatalité. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui intéresse Braudel, parce que il pense qu'il y a des structures qui sont lourdes, bien entendu, et que, d'une certaine manière, que l'Espagne se soit implantée si durablement dans le monde hispanique, et bon, c'est à la fois simple et fascinant, c'est-à-dire de penser que cette entreprise, enfin, aventureuse de 1492, avec ces gens qui ne savaient pas très bien où ils allaient, ils savaient ce qu'ils voulaient faire, mais ils ne savaient pas très bien si le chemin qu'ils empruntaient allait les conduire là où ils voulaient aller, et que cela produise au bout du compte un empire qui dure 3 siècles. Enfin, c'est quand même inouï d'imaginer que depuis Madrid, on ait pu en quelque sorte tenir, contrôler des territoires aussi vastes. Donc, il y a cette part de hasard, mais en même temps, c'était écrit en quelque sorte parce que l'Espagne avait effectivement tous les atouts, elle les avait réunis patiemment, et donc, entre les deux éléments, il y a cette rencontre qui est capitale en quelque sorte pour l'histoire de l'humanité, car aujourd'hui, la langue espagnole est parlée par des centaines de millions de personnes. Il y a ces flots d'or et d'argent qui ont pu circuler donc de l'Amérique vers l'Europe, enfin, et de l'Amérique aussi vers l'Asie, enfin, etc. Réfléchir sur comment se fait l'histoire, en quelque sorte, c'est ça la question fondamentale. Et on a là un terrain avec des perspectives énormes qui a hanté, je crois, Braudel. Professeur Carlo Alberto González Sanchez, c'est quoi pour vous aujourd'hui l'Amérique espagnole ? Significa mucho. Significa mucho. Parte si uno vive en Sevilla, la tiene siempre presente. L'Amérique espagnole signifie beaucoup et tout la rappelle à Séville, le nom des rues, les édifices, la végétation elle-même. Et même si les indépendances américaines sont déjà anciennes, on parle aujourd'hui d'une nouvelle reconquête espagnole de l'Amérique qui serait illustrée par la présence des multinationales. Il y a une nouvelle reconquista espagnole par parte de las grandes multinationales. Pero el fenómeno más importante que yo considero para ser presente una cultura común hispanoamericana con España es la inmigración. L'important, c'est de reconstruire une culture commune qui avait pu parfois être plus perçue en dehors d'Espagne qu'en Espagne même, une culture hispano-américaine. Et bien sûr, ici, un rôle décisif peut être joué par l'émigration et le grand nombre d'émigrés venus de l'Amérique de langue espagnole en Espagne. De quelle reconquête parlez-vous précisément ? Si, bueno, el término que he empleado reconquista, una nueva colonización, ¿no? Oui, une reconquête qui peut être considérée comme une nouvelle colonisation, c'est au moins une expression qu'on entend lorsque l'on est au Mexique, la réaffirmation de la présence des grandes multinationales espagnoles, les banques, les entreprises énergétiques, Amérique. Du coup, on va beaucoup plus travailler en Amérique du côté des Espagnols. Et d'autre part, il y a évidemment l'arrivée de très grand nombre d'immigrants. On dit qu'il y a 1 million d'Équatoriens qui seraient arrivés en Espagne dans les dernières années. Dans ce sens-là, on pourrait avancer l'idée d'une reconquête à l'envers, non pas de l'Espagne colonisant l'Amérique, mais d'une présence de l'Amérique en Espagne, et qui a un effet extrêmement fondamental et positif, c'est-à-dire de rendre manifeste ce qui peut-être n'était que latent, le fait que, du point de vue de la culture, du point de vue de la religion, du point de vue des rites, en particulier en Andalousie, des rituels en Andalousie, on voit qu'il y a là une culture commune et que cette double conquête ou reconquête rend visible aujourd'hui. Y ahí hay una simbiosis cultural que estaba latente, pero que ahora se hace más manifiesta y expresiva. ¿Más manifiesta y expresiva cómo? Pues se descubren que hay una cultura común, hay una religiosidad común, hay una serie de ritos, concretamente en Andalucía, importante, ¿no? ¿En quoi la lecture de Fernand Braudel a changé votre vision de l'Espagne, de l'Amérique espagnole et votre manière de considérer votre propre historiographie? Je crois que la lecture de Fernand Braudel change la façon d'interpréter l'histoire de tout un historien qui veut être vraiment un historien. C'est une lecture complètement obligatoire, c'est une lecture qui est essentielle pour pouvoir s'approcher surtout à l'époque moderne. Sa vision justement très nuancée entre les différents aspects, sa vision globale du tout. C'est l'héritage des annales qui se maintient et qui va être tout le temps. Là, c'est un élément fondamental pour nous façonner, pour comprendre que pour parler pour le 16e, pour le 17e siècle, moi je suis moderniste, on ne peut pas l'analyser en termes nationaux, on doit l'analyser en d'autres termes. Le rôle des villes, le rôle des sociétés, le rôle des groupes dominants, le rôle des conjonctures, le rôle des différentes temporalités que les historiens doivent tenir en compte, parce que vraiment il y a des différentes temporalités, les différentes espace où les processus procèdent, l'importance de la géographie, l'importance de la distance, c'est essentiel pour comprendre, pour aller même aux archives, pour vraiment analyser les archives. C'est vrai, j'ai signalé quelques aspects que je crois que la lecture de Fernand Braudel a en quelques occasions forcé un peu, détermine quelques questions. Mais en termes généraux, je crois que c'est toujours vraiment essentiel de revenir à Braudel, de relire Braudel, de relire aussi les critiques qu'il faisait, par exemple, aux autres historiens. Je crois qu'un des morceaux les plus intéressants, c'est la critique qu'il fait au livre de, par exemple, de Chaunu sur Séville et l'Atlantique. C'est 8 pages éclairantes absolument, dans lesquelles il tient en compte une chose que normalement les historiens du politique ont critiqué beaucoup, l'histoire des annales, et c'était que les historiens des annales, l'histoire sérielle, ne savaient pas écrire, ne tenaient pas compte de la façon d'écrire, et ça jamais on peut le dire de Braudel. Braudel écrit parfaitement, Braudel exactement sait très bien exposer il pense toujours à les structures de son travail, et il pense justement à la propriété dans chaque parole, la rigueur de l'historien est toujours présente dans Braudel. Et surtout la façon aussi de poser des hypothèses même, plus au-delà même de ses propres hypothèses. La capacité de poser ses hypothèses, la capacité justement de rédiger, la capacité de nuancer les différents aspects. Cette vision globale de la temporalité, de l'espace, de l'histoire comme telle, je crois que fait de Braudel un des maîtres insubstituables. Fondamental est... El libro de Fernand Braudel, de la época de Felipe II y el Mediterráneo, un libro que marca una época. Une œuvre fondamentale, évidemment, parce que c'est un livre qui a marqué son époque, en soulignant que Séville était une si grande cité, et peut-être plus grande, plus importante que Londres ou que Paris. Il l'a même désigné comme le Wall Street de l'époque. Aunque es un libro sobre el Mediterráneo. Et d'autre part, un livre fondamental dans la mesure où il montre que la Méditerranée ne se termine pas avec ses frontières naturelles, mais qu'elle se prolonge, qu'elle se continue sur l'Atlantique, ce qui a fait de Séville pendant un temps la capitale économique du monde moderne. Del mundo moderno, al menos, en una de las ciudades más grandes de Occidente. C'est ce que montrent bien de nombreux textes littéraires qui insistent sur l'aspect cosmopolite de Séville en son époque, et de là, par exemple, l'importance des Italiens à Séville, au moment où il y a un reflux dans le monde méditerranéen, à la fois à la cause de la crise et à cause de la présence ottomane. Il y a comme une compensation cherchée du côté de l'Atlantique par une présence de marchands italiens à Séville. Cet aspect-là de la ville cosmopolite, effectivement, était un point extrêmement fondamental pour Braudel dans ses descriptions de Séville, qui sont comme un leitmotiv à l'intérieur de ce grand livre, La Méditerranée et le monde méditerranéen, au temps de Philippe II. Et cette vision d'une société à la fois cosmopolite et mêlée, on la trouve au début du second volume, lorsqu'il montre cette force d'attraction de Séville. Carlos Alberto González Sánchez le montre pour cette attirance des étrangers, les Italiens qui s'installent comme marchands, les gens du Nord qui viennent comme commerçants, mais c'est aussi une attraction interne à l'Espagne pour ceux qui veulent tenter l'aventure de l'Amérique, et Séville est la première halte, pour certains d'entre eux, la halte définitive. Et parfois, avec le retour, je donne cette citation qui se trouve au début du second volume de la Méditerranée, mon Méditerranéen. Vers Séville, c'est la foule famélique des immigrants pour l'Amérique. Misérables gentilshommes désireux de redorer leur blason. Soldats en quête d'aventure. Jeunes gens sans avoir qui veulent bien faire. Plus l'entière écume de l'Espagne. Voleurs marqués au fer rouge. Bandits, vagabonds espérant trouver là-bas un métier lucratif. Débiteurs anxieux d'échapper à leurs créanciers. Époux fuyant leurs femmes querelleuses. Pour tous, les Indes sont leur rêve. Le refuge et protection de tous les desesperados d'Espagne, église des révoltés, sauf-conduit des homicides. Ainsi parle Cervantes au seuil d'une de ses plus charmantes nouvelles, El celoso extremeño, le jaloux d'Extremadure, histoire d'un de ses enrichis, retour des Indes, qui place son argent, achète une maison, organise bourgeoisement sa vie et, hélas, se marie. Et c'est une allusion, une des nombreuses allusions dans le livre de Braudel aux nouvelles exemplaires de Cervantes, comme je le disais, publiées en 1613, 3 ans avant sa mort, et dans laquelle Séville a un rôle décisif, parce que c'est à la fois le lieu d'où l'on part pour l'Amérique et le lieu où l'on revient d'Amérique. Et l'allusion ici est une allusion au début de la nouvelle du jaloux d'Extramadour, du celoso extremeño, ce qui renvoie bien à l'idée que l'Espagne continentale est attirée par Séville, est attirée par l'Empire, et tente, pour toutes les raisons que donne Braudel, économique, familiale, sociale, tente l'aventure du passage vers les Indes. Il faut rappeler que Cervantes lui-même avait envoyé un mémoire à la cour pour essayer d'obtenir un office aux Indes, et il fut refusé. Ce qui fait que peut-être nous pouvons lire Don Quichotte. Mais cette attraction est considérable, et la citation complète du début de cette nouvelle est la suivante. « En cette grande cité, ne lui manquèrent à notre homme venu d'Extramadour, qui était un hidalgo issu de parents nobles, en cette grande cité, Séville, ne lui manquèrent pas les occasions de dilapider le peu qui lui restait. Se voyant fort dépourvu d'argent et n'ayant guère d'amis, il recourut à l'expédient auquel recourent en ladite cité bien d'autres têtes brûlées, qui fut de s'embarquer pour les Indes. Refuge et protection des désespérés d'Espagne, sanctuaire des banqueroutiers, sauf-conduit des homicides, diversion et paravent des joueurs, qu'entre gens du métier on nomme pipeurs, général apôt des filles libertines, commune illusion du grand nombre, exceptionnel remède de quelques-uns. Et notre ami d'Extramadour va faire fortune aux Indes, il va être un de ces peruleros, les gens qui ont fait fortune au Pérou et qui reviennent à Séville. Mais le très intéressant, c'est que lorsqu'il rentre en Séville, il a perdu tout lien avec l'Extramadour, il va rester à Séville, et là commence l'histoire de son mariage avec une très jeune fille et de sa jalousie destructrice. Mais on voit le diagnostic de Braudel sur cette ville qui est à la fois une ville-monde, qui est une ville d'attraction de l'entière Europe et qui est une ville dans laquelle se concentrent toutes les Espagnes. nous allons terminer cette matinée sur l'histoire globale, sur la pluralité des temps et des espaces chez Fernand Braudel, que nous allons prolonger par une méditation géographique en compagnie de Jacques Lévy, qui est professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui a publié, qui a dirigé récemment un ouvrage intitulé « L'invention du monde, une géographie de la mondialisation », publié par les presses de Sciences Politiques. Bonjour Jacques Lévy. Bonjour. Alors, c'est étrange quand on regarde et qu'on lit « L'invention du monde ». On a le souvenir quand même que la géographie, c'est avant tout des lieux, des espaces, des cartes, des directions, des circulations. Eh bien, pas du tout, parce que non seulement on rencontre chez vous des superpositions d'espace et de temps, des réseaux, des réflexions sur l'instant, et donc, non pas l'instant bergsonien, mais l'instant tel qu'il intervient dans la réflexion géographique. Alors tout ça est étonnant quand même, je ne m'y retrouve plus en termes d'espace-temps, là. Jacques Lévy. C'est assez simple, en fait. Si on considère que la géographie s'intéresse à la dimension spatiale des sociétés, cette dimension consiste à traverser l'ensemble des réalités sociales en adoptant ce point de vue spatial. Donc, qu'est-ce qu'on va traverser ? Bon, on va traverser l'économique, on va traverser les rapports sociaux, on va traverser le politique, on va aussi traverser le temps. Donc, la question de savoir s'il y a des logiques identifiables dans l'intersection, dans le croisement entre espace au pluriel et temps au pluriel, ça devient logiquement une question importante pour la géographie. Il est devenu banal de constater, voire de dénoncer parfois, du fait des révolutions technologiques, l'accélération du temps. Les philosophes réfléchissent sur cette question. Et un certain nombre de penseurs aussi essayent de se demander comment il serait possible de ralentir, de décélérer un peu pour faire que les territoires, peut-être, et les flux soient un peu plus en harmonie les uns avec les autres. Alors, est-ce que c'est un thème que croise également le géographe, le thème de l'accélération du temps ? Oui, peut-être une petite parenthèse d'abord pour dire que il faut sans doute résister à la tentation de trop symétriser espace et temps. On est influencé, de ce point de vue-là, par une vulgate de la relativité. Alors qu'en fait, il y a des différences structurelles importantes entre notre rapport à l'espace et notre rapport au temps, notamment l'irréversibilité du temps et le fait aussi que le temps social articule une certaine pérennité des sociétés qui, jusqu'à présent, s'est nourrie, en tout cas a intégré, s'est nourrie de ou a intégré la mortalité des individus. Donc cette double caractéristique du temps social, les sociétés durent longtemps, mais les individus meurent vite, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans l'espace, où on n'a pas de phénomène d'irréversibilité, où on a une interaction multiple, permanente, complexe, entre différents opérateurs spatiaux, qui tous, finalement, se retrouvent partie prenante de ce qu'on peut appeler un environnement. Le terme d'environnement étant ici très général, hein, pas l'environnement naturel, mais on peut définir un environnement comme une réalité englobante, mais sur laquelle les englobés ont prise. Et donc, on n'est pas tout à fait dans le même genre de configuration quand on parle d'espace et quand on parle de temps à cet égard. Ce qui veut dire que, par exemple, pour répondre à votre question, on ne peut pas simplement dire « il y a accélération du temps parce qu'il y a rétrécissement de l'espace ». C'est un peu un lieu commun, passablement fatigué, je dirais, qui consiste à dire qu'il y a une contraction de l'espace-temps ou qu'il y a une dictature des vitesses. Enfin, ce genre de choses me paraît un peu, disons, ça va bien quand on commence à discuter, mais c'est pas très conceptuel, c'est pas très théorique. Alors, bon, je réponds maintenant vraiment à votre question. Je pense en effet, mais là c'est très banal, qu'une des caractéristiques de l'historicité humaine, c'est que si on considère des pas de temps standards, c'est-à-dire mesurés en minutes, en heures, en jours, en années, en effet, il y a un accroissement de l'intensité de l'occupation de ces pas de temps, de ces unités de base, et donc on peut traduire ça en disant accélération de l'histoire. Hein. C'est une idée qui ne me choque pas, même si elle est très banale. En revanche, ce qui devient intéressant, c'est que comme les individus deviennent davantage acteurs de leur propre vie, hein, notamment de leur biographie, donc de leur temporalité, l'articulation entre le temps des individus ou le temps en général des morceaux de la société et le temps de la société, cette articulation devient plus ouverte. Il y a un champ des possibles qui s'élargit. Et donc, tout ce mouvement, par exemple, slow, auquel peut-être vous faites allusion, je crois qu'il veut dire quelque chose. C'est-à-dire, il veut dire, moi, individu dans la société, j'ai le pouvoir, ou en tout cas j'exige d'avoir le pouvoir, de décrocher, quand je le souhaite, ma temporalité, de temporalité plus générale, plus sociétale, plus imposée, enfin qui serait imposée ou qui aurait été imposée par des logiques qui m'échapperaient. Alors d'autant plus que le mouvement slow food, puisque vous l'évoquiez un instant, n'est pas sans rappeler certaines préoccupations de Fernand Braudel. Quand on prend le cas de l'Italie, par exemple, si nous allons à Gênes, on s'aperçoit que les marchés de proximité sont très inspirés de cette économie de marché, de proximité, que vantait Fernand Braudel à la fin de Civilisation matérielle et capitalisme, disons avec une certaine méfiance envers les multinationales et ce qu'on appellerait aujourd'hui les circuits de la grande distribution. Alors c'est vrai que les marchés de proximité, ils font venir généralement des paysans et des produits qui ne sont pas trop éloignés du lieu d'où l'on vend ces produits, tomates, huile d'olive ou autres. Ça intéresse le géographe, ça ? Oui, bien sûr. C'est en plus dans l'air du temps. Je dirais que c'est un enjeu politique aujourd'hui. Mais là, je vous prends en flagrant délit d'association discutable entre petit espace et courte durée. Et donc, bon, vous n'êtes pas condamnable, en tout cas pas tout de suite, pour avoir fait cette association, parce qu'effectivement, elle est tentante. Et justement, on a tiré souvent de Braudel cette idée que grands espaces, longue durée, petits espaces, courte durée. Et si c'était plus compliqué que ça ? Prenons un exemple très actuel, la conscience écologique. C'est une évolution de la société, des sociétés développées en tout cas, mais qui a diffusé très rapidement d'ailleurs dans les autres, qui a pris très très peu de temps, qui s'est produite en gros entre le milieu des années 70 et aujourd'hui. Et elle crée des changements assez importants dans le rapport au monde de nos concitoyens. Donc c'est probablement une révolution, enfin qu'il faut analyser avec prudence bien sûr, donc une accélération brutale du temps de ce qu'on pouvait appeler, il y a encore quelques années, l'histoire des mentalités. Et donc c'est un changement majeur qui se produit en très peu de temps. Et je pense aussi que pour l'espace, il y a des lieux qui, à un moment donné, dans une certaine conjoncture, peuvent jouer un rôle décisif. Je prends un autre exemple, les dragons, les tigres, ces petits pays d'Asie orientale qui, à partir des années 60, ont manifesté une capacité de croissance et de développement qui a beaucoup surpris, qui a mis en question les théories dominantes à ce moment-là, puisque les théories dominantes à ce moment-là, c'était des théories plutôt fondées sur la décolonisation et la déconnexion. C'est-à-dire, c'était l'idée que les pays pauvres étaient exploités par les pays riches et que si elles se déconnectées du système d'exploitation coloniale ou postcoloniale, elles pouvaient enfin trouver une voie de développement. Or, ces pays comme Taïwan, la Corée du Sud, Singapour, ont fait exactement le contraire. Ils ont trouvé une voie d'intégration dans le système économique dominant qui leur a permis, néanmoins, de progresser dans les hiérarchies et finalement de se retrouver aujourd'hui aux premières places de la hiérarchie économique. Or, ça, je dirais que c'est une expérimentation intéressante pour le chercheur, mais pas seulement pour le chercheur. C'est-à-dire, le monde a fait cette expérience et en a tiré des conclusions. Cela a eu pour effet de complètement mettre hors jeu les théories dominantes, qui étaient d'ailleurs fondées aussi sur l'idée qu'il fallait une industrie lourde pour commencer un processus de développement. Donc, je dirais, le monde dans lequel nous vivons, il a été profondément affecté par ce qui s'est passé à un moment donné dans un petit nombre de lieux. Pouvez-vous néanmoins expliquer mon flagrant délit? Dans la mesure où c'est un peu les circuits courts aussi de Madame Ségolène Royal qui ont fait rire parfois certains pendant la campagne électorale, mais qui continuent parfois, disons, à susciter l'interrogation. Alors en quoi, justement, la courte durée ne va pas forcément avec le petit espace? D'abord parce qu'on est dans un système de vitesses articulées qui sont complexes. Tout dépend des instruments de mesure. Si on considère des unités de temps standards comme les minutes, mais bon, ça c'est un peu une entrée en matière. C'est les problèmes des équivalents généraux. C'est pratique le système métrique. Mais il ne faut pas non plus créer des effets de réalité simplement parce qu'on est capable de tout mesurer avec une chaîne d'arpenteur. On ne mesure pas forcément les mêmes choses. Donc, si on regarde par exemple le commerce de nourriture, on peut aussi transporter des marchandises en bateau, en avion, en train. Et donc, qu'est-ce que va être le local? Comment définit-on le local? Est-ce que le local ne va pas justement être défini par un certain niveau de proximité? Et est-ce que ce niveau de proximité ne va pas être défini par la vitesse? Donc dans ce cas-là, on va pouvoir dire que la tomate qui est venue de 50 km en camion, elle n'est pas forcément plus proche que la tomate qui est venue, ou je ne sais pas, la fraise qui est venue de 500 km en avion. Ça demande débat. Ma question est encore plus triviale. Est-ce qu'on peut transporter des espaces comme on transportait des villes? Il y a un historien, je ne sais plus lequel, qui évoquait cette ville amazonienne qui avait été quasiment transportée carte à carte, quoi, de Issaouira, pardon, au Maroc, en Amazonie, une ville amazonienne, donc que les Européens avaient totalement bâti sur le papier avant de la construire dans l'Amazonie. Mais bon, question triviale, est-ce qu'on peut transporter un Saint-Émilion n'importe où? Alors, un Saint-Émilion, c'est pas une ville. Donc, on peut plus facilement transporter. Enfin, je ne suis pas expert en vin, oui, je ne suis pas œnologue, mais j'imagine que dans certaines conditions, on peut transporter du Saint-Émilion sans altérer son goût. En revanche, une ville, ce n'est pas possible. On altère son goût, justement. Et je crois que c'est la grande différence entre les acteurs et les environnements. Les environnements ne se transportent pas. C'est là qu'on retrouve d'ailleurs un débat lancé par Braudel avec la Méditerranée, qui a été repris aussi par Paul Ricoeur avec sa notion de quasi-personnage, mais Braudel lui-même utilise ce terme. Et ça, c'est passionnant. Je trouve ça, c'est une des choses qui, au-delà des critiques qu'on peut faire à Fernand Braudel, reste et présent dans un débat qui, à mon avis, mériterait beaucoup de développement, qui est justement la différence qui s'applique aux espaces, mais peut-être à d'autres réalités sociales, entre ce qui est enjeu de l'action, ou ce qui est à l'origine de l'action, les acteurs, l'action, les objets aussi qui sont du concentré d'action, et puis d'autre part, l'environnement de ces acteurs et de ces actions, il me semble c'est une des caractéristiques de la dimension spatiale, suppose une certaine permanence des configurations pour pouvoir exister comme environnement. Et donc, quand vous construisez une ville qui a par exemple été détruite par un tremblement de terre ou inondée par un barrage, quand vous la reconstruisez, vous faites une autre ville. Je lisais récemment un article sur une petite ville du Portugal, de l'Alentejo, qui a été, donc c'était vraiment une petite ville envahie par les eaux parce qu'on a construit un barrage. Et il y a un malaise qui s'est instauré dans la ville reconstruite qui, des années plus tard, n'arrive pas à être levé. Hein, et je pense que c'est tout le problème de savoir à quoi ça tient. Une ville comme Berlin a été complètement détruite par la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été reconstruite, mais pas à l'identique, parce qu'on avait des théories du mouvement moderne. Et puis, donc on a changé les parcelles, on a fait beaucoup de choses, surtout à l'est, mais aussi un peu à l'ouest. Et puis, elle a été divisée. Enfin, il lui est arrivé plein d'histoires plus ou moins heureuses. Et en fait, c'est un autre Berlin qui est apparu. Potsdamer Platz, qui était un des centres très très actif de la ville d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est un centre, mais un autre centre. Donc même sur place, parfois, il est difficile de maintenir ce qu'est une configuration spatiale. Et je pense notamment, on revient au temps, qu'une des caractéristiques d'une ville, de ce qui fait d'une ville une ville, et l'urbanité, disons, c'est la diversité. C'est la diversité dans tous les domaines. C'est la diversité des populations, ce qu'on appelle la mixité. C'est la diversité des fonctions, mais c'est aussi la diversité des temps. Une ville qui naît, qui est encapsulée, qui est coincée dans un seul temps, par exemple une ville nouvelle, elle a énormément de mal à exister comme ville complète, je dirais. Et donc là, c'est un élément de réflexion aussi sur ce que peut vouloir dire la notion d'environnement. Alors, qu'est-ce qui a changé en géographie depuis Vidal de la Blache, et qu'est-ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour vous, l'invention du monde, la géographie globale? C'est un nouveau chantier, paradoxalement, parce qu'on pourrait dire que la géographie s'est toujours intéressée au monde, mais en caricaturant un peu la manière dont la géographie classique traitait le monde, on pourrait dire qu'il s'agissait de projeter des thématiques, souvent assez peu élaborées du point de vue conceptuel, des séries statistiques, des informations, sur une map monde. Mais on s'intéressait relativement peu à l'espace qu'on créait ainsi, et notamment l'espace qu'on aurait créé en additionnant différentes cartes thématiques consacrées à l'industrie, à l'agriculture, aux villes, etc. Ça, ce n'était pas tellement l'approche de la géographie classique. Bon, on faisait la géographie du blé, hein, on représentait les zones où on produisait beaucoup de blé, et puis voilà, c'était fini. Aussi parce qu'on avait, disons, deux problèmes. D'une part, on n'avait pas du tout une vision en termes d'acteurs. Donc, c'était la géographie classique, française notamment, c'était une espèce d'anthropologie un peu populaire, pas très très sophistiqué du point de vue théorique. De ce point de vue-là, l'anthropologie structurale a fait beaucoup avancer la théorie, même si on peut bien sûr la contester. Et puis, elle avait aussi le défaut de ne pas s'intéresser véritablement à l'espace. C'est-à-dire que l'espace était un donné qui était considéré comme à peu près dit quand on avait posé les cadres naturels. Tout travail de géographie commençait par une description de ce qu'on appelait les conditions naturelles, la nature, et c'était le climat et la géologie, en gros. Et on considérait qu'il y avait suffisamment de forces déterminantes là-dedans pour que, ensuite, bon, c'était l'approche possibiliste de Vidal de la Blache, la nature laissait quand même plusieurs possibilités, heureusement, mais il y avait quand même cette phrase qui conclut son tableau géographique de la France: tout ce qui est stable et permanent doit rester plus que jamais notre guide. Malgré, il utilise cette métaphore de la surface de l'eau brouillée par le vent, mais qui ensuite, quand le vent sera tombé, laissera voir le fond qui, lui, est inchangé. Un certain Brodel n'est pas loin, puisqu'il y a cette relation entre l'espace, la valorisation de l'espace, mais un espace finalement très marqué par la nature, et un temps immobile. Et c'est là que, malgré toute la sympathie qu'on peut avoir pour Brodel, nous, les géographes contemporains, bon, on ne peut pas le suivre jusqu'au bout, puisque justement, nous, notre travail dans les années 70 et 80, ça a été de remettre dans l'histoire l'espace, c'est-à-dire de faire de l'espace une composante parmi d'autres de l'historicité des sociétés. Donc si on veut enfermer l'espace dans l'immobile, ça ne convient pas. Alors, enfermer l'espace dans l'immobile, un poète parlait du temps immobile. Alors, quelles sont les métaphores que vous pouvez proposer aux auditeurs pour faire entendre cette nouvelle géographie, au sens où il y a eu une nouvelle histoire? Mais enfin, on voit bien là le tournant que vous décrivez. Alors, comment traduire cela? Par exemple, par la notion de métrique, qui justement, met en question l'existence d'équivalents généraux de mesure de l'espace et considère qu'il n'y a d'espace que par rapport à un projet, par rapport à des conditions d'exercice, par rapport à des acteurs, et qu'il faut prendre le temps d'analyser chacune des spatialités, finalement, qui nous intéressent. Donc, par exemple, en matière de temps, jusqu'à il y a peu de temps, on avait tendance à séparer les mobilités de façon radicale, en considérant que, bon, il y avait les grandes migrations humaines à l'échelle du siècle, il y avait les migrations des migrants, hein, des gens qui quittaient leur pays pour aller dans un autre, qui pouvaient éventuellement y revenir de temps en temps ou à la fin de leur vie. Il y avait les touristes qui partaient en vacances une fois par an, dans un modèle fordiste. Et puis, il y avait les pendulaires, toujours dans le modèle fordiste, qui allaient à leur travail et qui revenaient, mais trop boulot dodo. Et en fait, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que, bien sûr, il y a des différences, mais il y a aussi des connexions, des articulations entre ces différents mouvements. Donc, ces différents mouvements qui, parfois, utilisent les mêmes moyens de transport. Les touristes et les migrants, par exemple, c'est eux qui remplissent la classe économique des avions. Parfois, ils en prennent d'autres. Parfois, dans un même type de mobilité, par exemple, les mobilités intra-urbaines, on a de grandes différences entre ceux qui utilisent l'automobile et qui cherchent à maintenir la privacité de leur logement au sein même de la mobilité et ceux qui utilisent les transports publics, qui, au contraire, décident, on la pratique, d'insérer leur mobilité dans l'espace public. Donc il y a énormément de différents, hein, je ne cite que des exemples un peu en vrac, mais juste pour donner l'idée que, indépendamment de l'échelle, qui a été peut-être la première manière d'articuler les espaces, nous découvrons l'importance des métriques, le fait que ces métriques sont chargées de sens, éventuellement très fort. Par exemple, on découvre aujourd'hui la marche à pied. On s'aperçoit que la marche à pied, ça peut aller vite, en fait, quand on est dans un espace dense. Mais ça, on ne l'avait pas vu, par exemple, parce qu'on ne mesurait même pas les déplacements à pied comme étant des déplacements. Pendant très longtemps, on ne comptait que les passagers kilomètres uniquement en transport motorisé. Donc, on avait mis à part la marche à pied. Et pourquoi ? Parce que, tout simplement, c'est le piéton, c'est le péon. C'est celui qui n'a rien, c'est un dominé. Et effectivement, toute la société, notamment les classes populaires, n'ont eu de cesse que d'arrêter, d'être obligé de marcher à pied. Donc, il y a, je dirais, des sémantiques de civilisation dans ces métriques, et j'ai utilisé un jeu de mots pour montrer cela en parlant de maîtrise, M-E accent aigu, T-R-I-S-E, pour dire qu'aujourd'hui, c'est pas tellement le fait d'aller loin qui distingue, ou d'aller vite qui distingue les dotés et les démunis, mais c'est le fait d'être capable d'articuler différentes métriques en profitant au mieux de son capital spatial et en l'enrichissant de la sorte. Hein. Donc voilà, il me semble que là, on a un nœud assez important qui permet aussi de distinguer les territoires et les réseaux, hein, alors que classiquement, la géographie ne s'intéressait qu'aux territoires et aux territoires bornés des États ou des petites régions rurales. Donc on ouvre aussi le champ des styles spatiaux en se rendant compte que il y a des réseaux ouverts, des réseaux fermés, il y a des territoires dont on ne peut pas définir clairement les limites. Donc il y a une richesse, je dirais, de métriques, tant dans l'action que dans les environnements, qui mérite attention. Bien, merci beaucoup Jacques Lévy. On voit effectivement que ce génie du lieu, ce génie des lieux nous met sur la voie d'une certaine géographie monde qui prolonge en quelque sorte l'héritage de Fernand Braudel, mais en essayant de multiplier les entrées théoriques et pratiques. Je rappelle le titre de votre livre que vous avez dirigé, L'invention du monde, une géographie de la mondialisation, qui est paru très récemment aux presses de Sciences Politiques. Au cours de ce documentaire, à Séville, vous avez pu entendre Bernard Vincent, Carlos Alberto González Sanchez, Roger Chartier, Manuel Herrero Sanchez, Jacques Lévy. texte de Fernand Braudel lu par Claude Aufort. Prise de son Arthur Gerbeau, Marc Garvenès, Pierre Monteil, mixage Pascal Bénard. Attaché de production Diane Lamant, réalisation Franck Lilin. Grande traversée, Fernand Braudel, l'historien monde, par Philippe Petit. Demain, nous nous interrogerons sur la notion de civilisation et nous poursuivrons notre périple en nous rendant en Dalmatie et plus précisément à Dubrovnik.